La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que le sentiment de vide ? Spleen, assédie, désœuvrement, attente sans objet, sensation d'insignifiance, absence d'affect, paralysie du sentir. Quelle que soit la forme qu'il prend, le sentiment de vide est souvent décrit comme une plaie qui recouvre tout d'une grisaille désagréable. Puis qui, tel un fluide, pénètre dans tous les espaces de l'âme qui se trouve désertée à la fois par le plaisir et le déplaisir. Un tel sentiment de vide est une expérience humaine commune. Chacun d'entre nous l'éprouve de temps à autre. Mais il est particulièrement intense chez certaines personnes souffrant de troubles psychiques. Comment alors se caractérise-t-il et que traduit-il ? Cette question sera le fil directeur de notre conversation d'aujourd'hui, si tant est qu'une conversation doive avoir un fil directeur. Comme vous le savez tous, à la conversation scientifique, nous avons reçu des scientifiques, beaucoup, des philosophes, des écrivains, des artistes, des alpinistes, des économistes, des historiens, mais jamais de psychiatres, ce qui a pu créer chez certaines auditrices et certains auditeurs un sentiment, sinon de vide, du moins de manque. Nous allons aujourd'hui rééquilibrer l'ordre des choses grâce à Déborah Ducasse qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Bonjour Déborah Ducasse. Bonjour. Vous êtes psychiatre, responsable du centre de thérapie des troubles de l'humeur et émotionnel et borderline. Vous travaillez au CHU de Montpellier et vous êtes chercheuse à l'INSERM. C'est bien ça. Alors je voulais vous demander, c'est une question un peu personnelle, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais qu'est-ce qui peut conduire une étudiante en médecine à la psychiatrie plutôt qu'à une autre branche de la médecine ? Bien, je crois que les trajectoires individuelles sont multiples, mais en tout cas, pour ma part, j'ai toujours été fascinée par la manière dont l'esprit fonctionne. Voilà, depuis mon adolescence, je suis vraiment fascinée par découvrir mais qu'est-ce que l'esprit humain ? Comment ça fonctionne ? Et puis cette constatation qu'on fait tous que il est beaucoup plus facile de souffrir que d'être heureux, hein, spontanément, on souffre abondamment. Et donc, ça m'a conduit à me dire, mais d'où naît la souffrance ? Qu'est-ce qui fait qu'on souffre autant ? Et comment faire pour diminuer cette souffrance ? Comment faire pour être heureux de façon plus durable ? Et il se trouve que la psychiatrie est une science de l'esprit. Donc j'ai fait médecine avec l'objectif de faire cette spécialité qu'est la psychiatrie. D'emblée, c'est la raison pour laquelle j'ai fait médecine. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans le centre dans lequel vous travaillez, que j'ai essayé de nommer correctement ? On parle de troubles émotionnels, troubles borderline. C'est un hôpital, c'est un endroit où il y a des consultations de malades ? Absolument, donc c'est un hôpital. Ce centre se situe au CHU de Montpellier, centre hospitalo-universitaire. Et c'est un lieu de consultation ambulatoire. Donc, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas hospitalisées. Elles viennent faire des séances de thérapie, des thérapies qui ont la particularité d'être des thérapies cognitives et comportementales de troisième vague. Donc notre service est spécialisé en TCC de troisième vague, également appelé thérapie dérivée du bouddhisme. On aura l'occasion probablement d'en reparler tout à l'heure. Et donc, une particularité également, suite au confinement, on a réinventé notre modalité de soins et on délivre ces thérapies par visioconférence. Donc on peut aussi accueillir des personnes d'autres endroits que Montpellier. Alors, je vous ai invité, Déborah Ducasse, pour qu'on parle de ce sentiment de vide qui est plus ou moins intense selon les personnes. Et avant de l'évoquer, est-ce qu'on peut définir le vide ? Oui, alors, donc il y a différents types de vide. Peut-être, on va commencer par essayer de définir le vide existentiel, ce vide dont on souffre tous. Et finalement, aller à la source de ce vide-là, qui est finalement la manière dont on se perçoit. C'est-à-dire, quand je pense « moi, je », moi, en tant que personne, spontanément, sans raisonnement intellectuel, philosophique, juste notre expérience directe, spontanée. C'est cette impression d'être un jeu que l'on pourrait isoler, saisir, c'est-à-dire saisir séparément de tout ce qui l'entoure. Un jeu qui semble exister en soi, de son propre côté, de façon intrinsèque, séparé de tout un tas de choses, séparé de tout son monde extérieur, mais séparé aussi de ses propres expériences. On se perçoit comme le possesseur de nos expériences, les pensées, les émotions, les sensations, mes expériences. Donc, à partir de ce sentiment d'un jeu existant intrinsèquement, le sentiment de séparation, de ce vide. Il y a une préoccupation excessive de ce jeu perçu comme vulnérable qui va se mettre en place. Et de là, va naître un vide existentiel souffrant. Et à partir de ce vide existentiel souffrant, on va être embarqué dans tout un tas de stratégies pour ne pas être en contact avec ce vide existentiel. Donc ce que vous appelez le vide existentiel, c'est la sensation, le sentiment d'un manque. Bah, oui, parce que le jeu dont vous parlez, il est autonome, d'après ce que vous dites. Il se perçoit comme autonome, comme stable, et il perçoit le monde extérieur comme une menace, comme un défaut. Il se perçoit comme autonome, indépendant, ce qui est juste une illusion, une fausse idée, mais en tout cas, c'est la manière dont on se perçoit. Et en effet, ce sentiment de vide existentiel se traduit par un sentiment de manque, par un sentiment, on va dire, de vide de satisfaction, vide de bien-être, vide de connexion, vide de valeur. Ce à partir de quoi on va élaborer tout un tas de conceptions, constructions mentales de ce qu'il nous faudrait réunir, obtenir, rencontrer pour venir combler ce vide existentiel. Mais est-ce que vous diriez que l'expérience de l'ennui, par exemple, est une situation dans laquelle on a ce sentiment de vide dont vous parlez? L'expérience de l'ennui est une des manifestations. Ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une pathologie, dans le sens où nous faisons tous l'expérience du vide existentiel, nous faisons tous l'expérience de l'ennui, et donc je vais reparler de l'ennui dans quelques instants, mais juste je veux m'arrêter sur ce n'est pas une pathologie. En réalité, on peut comprendre que on fait tous l'expérience de la souffrance et tous à partir d'une idée de nous qui est incorrecte. Donc en ce sens, on pourrait dire que on est tous malades mentales à un certain degré. Donc on a tous cette pathologie de mal s'identifier. Et du coup, de faire cette expérience du vide existentiel souffrant qui nous amène à tellement de comportements de fuite, de contrôle. On dépense tellement d'énergie dans le fait d'essayer de fuir ce sentiment de vide existentiel qui est permanent. Alors, sans vouloir trop jouer avec les mots, vous avez dit qu'il y a plusieurs sortes de vides. Mais s'il y avait plusieurs sortes de vides, ça veut dire que l'un d'entre eux contiendrait les autres, de sorte qu'il serait plein. Alors, la notion de vide, de plein, j'y reviendrai après avec la notion de vacuité. Le vide peut se manifester de différentes manières. Et d'ailleurs, en thérapie, on utilise différents vides qui ont beaucoup de sens. Et on y reviendra également, si vous le permettez, plus tard. Mais le vide racine, quelque part, ce vide pathologique que l'on ressent tous, et ce vide existentiel. Et pour répondre à votre question de l'ennui, à partir de ce vide existentiel, je vais concevoir des choses, des personnes, des situations qui auraient, selon moi, le pouvoir de venir combler un tel vide. Et donc j'imagine que telle personne, qu'une fois que j'aurai telle relation, une fois que j'aurai rencontré telle performance, etc., là, je me sentirai bien. On a tous ça, on se dit, bon, quand j'aurai enfin bouclé ce projet, quand j'aurai enfin acheté cette maison, quand j'aurai enfin rencontré telle personne, là, ça ira. Et puis finalement, on atteint cet objectif. C'est un peu la phrase de Woody Allen. Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Voilà. Mais malheureusement, il me manque une belle maison, etc. Il me manque toujours quelque chose. Et finalement, je sens qu'il me manque quelque chose pour être heureux. Je désire ardemment, des désirs incontrôlés, rencontrer ce que j'imagine me manquer pour être heureux. Et puis finalement, quand j'obtiens cette chose-là, qu'est-ce qui se passe? Phénomène d'habituation hédonique, eh bien, ce que j'imaginais comme cause de bonheur, hein, c'est une imagination incorrecte, ce que j'imaginais comme cause de bonheur s'avère ne pas remplir la fonction attendue. Et très rapidement, eh bien, la chose ne me manque plus, donc je ne la désire plus, et donc cette absence, ce vide de désir, se traduit par de l'ennui. Et bien entendu, plutôt que de remettre en question la base à partir de laquelle je génère ces désirs. On réamorce la pompe. Je réamorce la pompe, exactement. Et de nouveau, ah ben non, mais c'est parce qu'il me manque encore ça, il me manque encore ça, il me manque encore ça. Et finalement, je tourne à vide. J'essaie de remplir un puits sans fond. Alors, dans un livre que vous avez écrit avec Véronique Brandard-Pont, Déborah Ducasse, qui s'appelle « Psychothérapie du trouble borderline », vous citez... Geshe Gelsang Gyatso, je ne sais pas très bien qui c'est, qui dit ceci, toutes nos souffrances et tous nos problèmes viennent d'une identification incorrecte du jeu. Ce qui suppose qu'il pourrait y avoir identification correcte de ce jeu. Or, il me semble que la philosophie a largement déblayé cette question et montré que explorer son jeu, dont je ne sais pas s'il faut le distinguer avec du moi, c'est une tâche infinie parce que le jeu est un puits sans fond, d'une certaine façon. Et oui, exactement, le jeu est un puits sans fond, mais le jeu, quel jeu ? Le jeu que l'on perçoit habituellement, à partir duquel on s'identifie, est un puits sans fond. Et d'ailleurs, on en fait tous l'expérience. On a beau essayer de le remplir, ce n'est jamais satisfaisant. Donc, dans les thérapies que nous délivrons, qui sont effectivement des thérapies dérivées du bouddhisme, ou TCC de troisième vague, on va aller remettre en question ça. Une démarche scientifique, la science qui est finalement une quête de vérité, et pour reprendre d'ailleurs une phrase que vous disiez dans une de vos conférences, qui est la science a pour fonction de percer l'écran des apparences pour y découvrir le fond intelligible que ces apparences nous masquent. Et dans la méthode méditative, qui est une méthode empirique d'exploration de l'esprit humain, on va justement ne pas s'en tenir au bon sens, aux apparences, et se dire, mais est-ce que les choses fonctionnent exactement de la manière dont elles m'apparaissent ? Est-ce qu'elles existent de la manière dont elles m'apparaissent ? Et pour ce jeu, qui nous semble exister de façon intrinsèque, on va aller l'explorer. C'est-à-dire que s'il existe de cette manière-là, on devrait être capable de le trouver par une investigation rigoureuse. Et donc, on va investiguer par la méditation ce jeu qui nous apparaît habituellement, qui semble exister de façon intrinsèque, et en arriver finalement à une absence du jeu que l'on perçoit habituellement. C'est ce qu'on appelle la vacuité du jeu que l'on perçoit habituellement. Donc c'est l'absence d'existence intrinsèque de ce jeu. Quand vous avez parlé de masque, oui. le verbe masquer, ça me donne l'idée de vous interroger sur la pandémie de Covid que nous traversons. Est-ce que pendant le confinement, le sentiment de vide des personnes a pu être étudié ? Est-ce qu'il a augmenté ? Est-ce qu'au contraire, le confinement a apporté une forme de réassurance à ceux qui, dans la vie normale, se sentaient malmenés ? Eh bien, il y a eu deux manières, finalement, d'aborder cette expérience qu'est le confinement. La première des manières est finalement d'être complètement stoppé dans notre course effrénée. C'est-à-dire qu'habituellement, on a une telle diversité de distractions, de choses extérieures pour venir combler ce vide intérieur, même les choses qui paraissent les plus honorables extérieurement, comme le travail, comme même des engagements associatifs, s'ils sont faits sur la base d'un jeu qui se perçoit comme en manque de quelque chose, ne sont que des fuites, des manières finalement d'échapper à ce vide existentiel. Et là, on nous stoppe toutes ces activités extérieures finalement. Donc on est finalement face à nous-mêmes. Mais face à qui ? Face au jeu à partir duquel on fait toutes nos expériences quotidiennes. Donc là, soit on renclenche le cercle vicieux et puis on essaie de nouveau de combler ce vide dans autre chose, et puis dans les séries télé, dans tout ce qu'on veut. Soit là, c'est une occasion, une situation de crise qui amène à reconsidérer. Vous voulez dire que pour beaucoup de personnes, le confinement a agi comme une sorte de chalumeau existentiel qui a pulvérisé tous les travestissements que le jeu se donne dans la vie courante ? Absolument. Et amenant cette situation de crise, soit je réenclenche mon mécanisme habituel, mais avec d'autres objets extérieurs pour venir combler le vide, soit là je me pose les vraies questions. Est-ce que ça peut être étudié pendant le confinement par des équipes de psychiatres, par exemple, qui ont fait des enquêtes pour voir si les patients allaient plutôt mieux ou plutôt moins bien pendant cette assignation à résidence ? Alors en tout cas, ce dont je peux parler, c'est dans notre service, le service du professeur Philippe Courtet, qui est spécialisé, dont le service d'hospitalisation est spécialisé dans la prise en charge des patients souffrant de crises suicidaires. Nous avons mis en place tout un tas de stratégies pour prévenir l'émergence des idées suicidaires, donc maintenir le contact, maintenir le lien. Donc il n'y a pas eu d'aggravation, si vous voulez, des troubles mentaux de cette population-là. Mais ce qui me semble beaucoup plus important, c'est de voir comment finalement, à partir d'une situation de crise, reconsidérer toute la base à partir de laquelle nous faisons nos expériences. Et c'est ce qu'on travaille en thérapie cognitive et comportementale de troisième vague. Mais est-ce qu'on sait dire, par exemple, si les gens qui, dans la vie normale, avaient la vie la plus trépidante, la plus diversifiée, la plus intense, ont mieux vécu ou moins bien vécu que ceux qui déjà vivaient dans une sorte de confinement intérieur? Alors, je n'ai pas... Parce que ce qu'on a lu, c'est que la santé psychique de la population a été un des critères qui ont permis de décider la date du déconfinement, par exemple. Oui. Je ne sais pas précisément répondre à cette question. Alors, quand on vous lit Déborah Ducasse, on apprend l'existence de mots compliqués. Par exemple, vous utilisez dans un article que vous avez écrit dans la recherche le terme « transnosographique ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, transnosographique, ça veut dire qu'il recoupe l'ensemble des catégories diagnostiques. C'est que la psychiatrie moderne tend à appréhender la maladie mentale non plus comme une catégorie diagnostique réifiée, séparée de la norme, mais plutôt comme un positionnement sur un continuum d'expérience humaine. Et notamment, l'expérience de vide est une expérience humaine totalement commune. Ça voulait dire que quand on fait de la psychiatrie, on a longtemps considéré que on pouvait classer les maladies, on pouvait mettre des sortes d'étiquettes sur les malades, schizophrènes, paranoïaques, dépressifs, etc. Et qu'en fait, c'est trop imprécis. C'est plutôt que on peut mettre des mots, des étiquettes, c'est-à-dire mettre des mots pour se comprendre, conventionnellement parler de la même chose, mais croire que derrière ces étiquettes, il existe des entités qui existent en soi, de leur propre côté, et trompeurs. Et notamment, pour le cas des maladies mentales, on sait comment les connaissances épistémologiques nous montrent que les maladies mentales sont complètement soumises à évolution au cours du temps, donc elles dépendent de causes. Et puis, une maladie mentale, c'est finalement une imputation, un nom sur un ensemble de parties, qui sont les critères diagnostiques, qui est nommé par un observateur. Donc finalement, c'est une entité qui est en relation de dépendance. Mais sauf que notre manière d'appréhender le monde, les autres, nous-mêmes et les maladies mentales, c'est de faire des phénomènes qui existent en soi, de leur propre côté. Alors je vous pose des questions compliquées. Hein. La première, c'était qu'est-ce que le vide, qui est un vaste sujet. J'en ai une deuxième qui est, qu'est-ce que vous, en tant que psychiatre, comment est-ce que vous définiriez la conscience ? Oui. Par rapport à la définition qu'en donnent, par exemple, les gens qui font des neurosciences. Donc, la conscience est ce qui perçoit les expériences. C'est la base pour percevoir toutes les expériences. Donc, justement, la psychiatrie, les thérapies cognitives et comportementales de troisième vague sont des méthodes d'investigation de la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de s'intéresser aux phénomènes qui apparaissent à la conscience, qui sont complètement impermanents, on va s'intéresser à une caractéristique même du pouvoir conscient, qui est sa clarté, ou son vide de forme, son vide de caractéristiques physiques. Et donc, pouvoir de plus en plus, plutôt que s'identifier aux phénomènes qui apparaissent à la conscience, dont le phénomène, l'idée de nous, tel qu'il nous apparaît habituellement, s'identifier au pouvoir conscient, et en particulier à cette clarté de l'esprit qui est inaltérable. Instant après instant, je fais des expériences. Alors, votre spécialité, Déborah Ducasse, ce sont les personnes qui ont des troubles qu'on appelle borderline. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut parfaitement définir, ou est-ce que, comme vous l'avez dit, d'autres maladies psychiatriques, la définition qu'on peut en donner est insatisfaisante? Est-ce que ça se caractérise facilement, ou est-ce qu'il y a encore des zones de flou? Alors, le trouble borderline est classifié dans les maladies mentales par les classifications de type DSM, Manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, et la classification internationale des maladies. Donc, il y a une catégorie de maladies mentales qui s'appelle borderline, en effet. Mais, comme je le disais, c'est intéressant, plutôt que de saisir une catégorie comme existant en soi, et juste de comprendre l'ensemble des critères, de voir la personne comme un ensemble de critères, comprendre l'expérience intérieure derrière cette étiquette. Et de comprendre que finalement, on est tous malades à un certain degré. Et le trouble borderline a cette particularité qui est finalement d'être comme un miroir grossissant de notre expérience humaine ordinaire. Pourquoi ? Eh bien, dans le trou borderline, il y a ce sentiment de vide existentiel particulièrement intense. Si intense que ce qui va être cherché à l'extérieur pour venir combler ce vide existentiel est l'autre, un autre être humain. Et à partir de ce vide, je vais identifier une personne qui a, je l'imagine, les caractéristiques en soi de venir combler un tel vide. Et donc au moment où je rencontre une telle personne, il va y avoir une idéalisation de la capacité de l'autre à venir m'apporter ce bien-être durable. Donc beaucoup d'attentes, et bien entendu l'autre n'étant pas du tout à la hauteur des attentes, parce que l'autre ne peut pas remplir une telle fonction. Et parce que les attentes sont constamment réactivées. Sont constamment réactivées, puisque c'est constamment insatisfaisant, puisque l'autre ne possède pas ce pouvoir en soi de venir combler un tel vide, il va y avoir beaucoup de déceptions. Et donc dans le trou borderline, il va y avoir des relations interpersonnelles très instables et très intenses, et avec quelque chose qui est aussi caractéristique, une peur intense de l'abandon. Parce que vous imaginez bien que si mon bonheur dépend de l'autre, j'ai énormément peur de le perdre. J'ai une peur de l'abandon qui est extrêmement intense. Avec oui, mais du coup, on peut avoir des comportements qui provoquent l'abandon. Absolument. Malheureusement, on va provoquer ce qu'on redoute le plus. Pourquoi ? Parce que si j'ai une peur panique de l'abandon, parce que je suis mal identifiée, que je perçois l'autre comme venant pouvant combler ce vide en soi, je vais mettre en place des stratégies parfois extrêmement néfaste. Contrôler l'autre, ça peut passer par le fait d'envoyer des textos répétés pour essayer de tout connaître sur l'endroit où est la personne, avec qui, comment, pouvoir faire des menaces, du chantage, etc. Mais tout ça, c'est sur le contrôle de la peur de l'abandon. C'est-à-dire que la personne est victime de ses propres perturbations mentales. Donc elle agit sous le contrôle de quelque chose qui la dépasse mais qui n'est pas elle. Et donc, bien entendu, plus je mets en place des comportements extrêmes, plus j'ai de chances que l'autre veuille s'en aller, en effet. Peut-être connaissez-vous Déborah Ducasse, un philosophe qui s'appelle Henri Maldinet, un philosophe qui s'est intéressé, bien sûr, à la philosophie, notamment à la phénoménologie, mais aussi à la maladie mentale, à l'art et au vide. Et il dit ceci, le sentiment de vide, c'est d'assister à soi-même sans prendre part à soi-même. Est-ce que la psychiatre que vous êtes reconnaît la pertinence de cette façon de dire ? Il a aussi cette formule que je trouve assez intéressante. Il dit « L'existence est une exclamation dans le vide éclaté ». Est-ce que ça vous parle ? Ce que ça m'évoque, c'est que dans ce sentiment de vide existentiel, il y a également cette notion de « Mais est-ce que je peux me trouver ?» C'est-à-dire que c'est comme si finalement on était sans arrêt dans le doute de « mais comment j'existe ? Est-ce que finalement je peux me trouver tel que je m'apparais ?» Mais plutôt que d'aller investiguer cela, eh bien on va prendre refuge dans tout un tas de choses qui vont être suffisamment intenses, suffisamment happantes pour nous faire fuir cette question-là essentielle. Ça veut dire des comportements extrêmes, limites, comme on dit ? Oui, ou moins, comme par exemple, on va avoir sans arrêt tendance à fuir des distractions diverses. On va utiliser finalement notre corps, notre esprit, notre environnement et les autres pour ne pas être en contact avec cette question de « est-ce que j'existe ?» Par exemple, notre corps n'a pas du tout besoin d'autant de sucre, mais je vais fuir dans des comportements addictifs au sucre, des crises de boulimie, ou je vais utiliser mon esprit en regardant des séries en boucle pour ne pas être en contact avec ce vide existentiel. Mon esprit ne m'a pas du tout besoin, mais je vais être dans cette démarche-là, fuir dans des achats compulsifs, dans tout un tas de choses qui sont vides de sens, parce que fait à partir d'une idée de soi qui est erronée. Mais en tout cas, pendant le temps où je suis happée, où je peux être aussi happée dans une passion amoureuse, dans tout un tas de choses extérieures qui, pendant un temps, me détournent de cette question essentielle. Mais est-ce que j'existe de la manière dont je m'apparais ? Mais est-ce qu'on est capable, quand on est psychiatre comme vous, de reconnaître rapidement qu'une personne est borderline, ou est-ce que ça demande de très longues conversations, observations, discussions. Ça demande une longue observation, discussion, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser au mode de fonctionnement habituel de la personne, puisque le trouble de personnalité se caractérise quand même par un mode de fonctionnement qui est durable, rigide, qui prend naissance à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte et qui a un impact important sur les domaines de vie et qui entraîne une souffrance cliniquement significative. Donc, ça nécessite de questionner la personne sur son histoire, sur son mode d'être aux autres, au monde, sur sa manière de se concevoir, et puis rechercher finalement tous ces modes de fonctionnement inhérents aux troubles de personnalité borderline. Donc c'est une longue discussion, oui. Et quand vous parlez de ces tendances qu'ont les personnes borderline à remplir le vide existentiel qui les rend malades d'une certaine façon, est-ce que c'est cette tendance-là qu'on appelle l'addiction ontologique ? Alors, c'est un terme que j'ai trouvé aussi dans des livres qui parlent de ce trouble. Oui, alors l'addiction ontologique, c'est un terme qui a été mis en lumière par le professeur William Van Gordon, qui est professeur en psychologie à l'université de Derby au Royaume-Uni. Et c'est un professeur en psychologie avec lequel mon équipe travaille beaucoup. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en terminologie laïque, scientifique, cette science de l'esprit qu'est le bouddhisme et qui nous dit finalement toutes nos souffrances naissent de s'identifier à un jeu qui existe en soi et d'essayer finalement de satisfaire coûte que coûte cette idée de nous-mêmes. Et donc on est addict au fait d'essayer de combler le vide de cette idée de jeu. Et donc ça revient à la citation que vous avez mentionnée plus tôt de Geshe Kelsang Gyatso, qui est finalement que toutes nos souffrances naissent d'une mauvaise identification de soi et d'essayer de satisfaire cette idée de jeu erronée. Et depuis quand est-ce qu'on parle de trouble borderline ? Quand est-ce que le terme est apparu et quand est-ce que cette maladie est entrée dans le DSM ? Oui, alors en fait, ce terme est apparu en 1938 sous l'impulsion d'Adolf Stern. Et ce terme donc de borderline ou état limite faisait référence à la limite entre deux états, névrose et psychose. Alors, névrose et psychose sont des terminologies qui étaient utilisées plutôt au début de l'histoire de la psychiatrie. Névrose, qui est apparue en 1777 sous l'impulsion de William Cullen, qui parlait finalement d'une altération du système nerveux sans base organique retrouvée. Puis ensuite Sigmund Freud, en 1893, qui parlait de névrose comme des conflits psychiques refoulés, non résolus, sans lésion organique, et puis il expliquait que le malade vit dans la réalité socialement partagée, qu'il a conscience de sa souffrance. Donc là, il y avait d'un côté le terme névrose, de l'autre, il y avait le terme psychose, avec Émile Kraepelin en 1889, qui parle d'une déconnexion avec la réalité socialement partagée. Et puis finalement, il y avait des personnes qu'on ne pouvait pas trop classifier, soit dans les névroses, soit dans les psychoses. Ça fluctuait. C'était des personnes qui avaient plutôt un fonctionnement névrotique, mais qui, par moment, semblaient perdre le contact avec la réalité. Et donc, c'est là qu'est né le terme de trouble borderline ou état limite, la limite entre deux états, entre la névrose et la psychose. Sachant c'est que une sorte d'entre-deux ou d'aller-retour. Une sorte d'entre-deux, plutôt d'aller-retour, plutôt un fonctionnement donc névrotique. Maintenant, nous n'utilisons plus ces termes, hein, mais névrotique. Et puis par moment, eh bien en fait, il y a des symptômes qu'on appelle dissociatifs, de perte de contact avec la réalité sur des moments de grand stress qui finalement vient bousculer cette idée de jeu. Et là, il peut y avoir des idées de persécution, l'impression d'être comme dans un rêve éveillé, tout un tas de symptômes qui apparaissent comme psychotiques, mais qui durent qu'un moment. Et puis, le terme borderline a fait son apparition dans les classifications actuelles en 1980, dans le DSM-3, puis actuellement, on en est à la cinquième édition du DSM depuis 2013. Alors vous parlez d'entre-deux, nous sommes dans l'entre-deux de cette émission, c'est-à-dire nous avons atteint le moment où nous allons écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Comme par hasard, il s'appelle Emptiness et il est de Jolly et Asia. Oui. On en parlera tout à l'heure, on va d'abord l'écouter. Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Inès de Gioli et Assia, Déborah Ducasse, au-delà du titre qui imposait ce choix, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont conduit à le proposer ? Alors oui, ce morceau de musique, dans mon expérience, accompagne un voyage intérieur fascinant. Tout d'abord, je trouve le jeu des tempos très habile, les accélérations, les silences, le vide de son, les moments de suspension suite auxquels on est ressaisi par les percussions. Et puis les paroles sont peu nombreuses et en même temps, j'apprécie la transmission par des mots choisis de cette expérience de vide intérieur qui appelle à voir l'autre comme ayant les caractéristiques intrinsèques de combler un tel vide. Et ça, c'est justement le fonctionnement inhérent au trouble borderline que j'aime à nommer comme étant un miroir grossissant de fonctionnement humain ordinaire. D'ailleurs, un autre titre produit par ce couple de femmes artistes s'appelle Borderline. Donc ces deux femmes... Vous voulez dire qu'elles ont sans doute une expérience du sentiment de vide exacerbé ? Eh bien, en tout cas, ces deux femmes m'inspirent beaucoup par leur capacité à créer une œuvre qui permette de toucher le cœur des gens, qui répond au sentiment de séparation par un contenu qui connecte à d'autres personnes qui partagent un même type d'expérience. Et en effet, peut-être se servent-elles de leur propre vulnérabilité pour réaliser leur potentiel bénéfique à travers leur propre couleur et mode d'expression, à savoir la musique dans ce cas-ci. Est-ce qu'on peut continuer à un peu caractériser ce trouble borderline qui est votre spécialité ? Alors j'ai lu quelque part que pour pouvoir être diagnostiqué borderline, il fallait au moins présenter 5 des 9 critères suivants, je les lis rapidement. Effort effréné pour éviter les abandons réels ou imaginés, vous l'avez dit. Mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. Troisième critère, perturbation de l'identité, instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi, vous en avez parlé. Impulsivité marquée dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. Instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. Sentiment chronique de vide, on y vient. Colère intense et inappropriée ou difficulté à contrôler sa colère. Et dans les situations de stress, survenue transitoire d'idées de persécution ou de symptômes dissociatifs sévères. Vous en avez également parlé. Est-ce que ça vous semble complet ? Ça me semble totalement complet. Ce sont effectivement les 9 critères qui sont reconnus dans la catégorie diagnostique du DSM pour évoquer le trouble de personnalité. Alors, comment est-ce que ça se soigne ? Et comment vous le soignez-vous ? Alors, donc il y a différentes approches pour soigner le trouble de personnalité borderline. Le traitement actuellement de référence pour la prise en soin des personnes souffrant de troubles de personnalité borderline est une TCC de troisième vague, thérapie cognitive et comportementale de troisième vague, de premier niveau, qui s'appelle la thérapie comportementale dialectique. Dans notre service, nous sommes en train de délivrer un programme de TCC de troisième vague qui va plus en profondeur que ce premier niveau de TCC de troisième vague pour cibler vraiment l'identification correcte de soi avec cette compréhension-là que finalement nous sommes tous malades, comme je l'évoquais plus tôt, et que le trouble borderline est un miroir grossissant de notre fonctionnement humain ordinaire. Et donc, dans ce programme-là, il y a un entraînement de l'esprit progressif qui est fait pour arriver à une meilleure identification de soi. Puisque le trouble borderline, finalement, nous force à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Admettre qu'il y a un problème, qu'il faut faire quelque chose. Et du coup, passer d'un statut de victime à un statut de protagoniste. Et pour ça, en fait, il n'y a aucun autre moyen que d'aller dans la clarté de l'esprit que j'ai évoquée plus tôt, cette caractéristique de vide de forme qu'est l'esprit, pour se stabiliser et se désidentifier de toutes les perturbations mentales, de tous les processus psychiques qui amènent à des comportements tellement néfastes et qui éloignent la personne de qui elle est au fond, de ce qu'elle aimerait faire si elle était vraiment libre. Et donc là, dans cette première étape de la thérapie, la personne commence à pouvoir mettre en place des comportements qui sont beaucoup plus sains, donc comme à gérer de façon beaucoup plus saine le trouble borderline. Et puis dans la deuxième partie de la thérapie, chaque partie comporte différents types de méditation, dans la deuxième partie, c'est constaté que la douleur, la souffrance du trouble borderline n'arrête pas. En fait, ça va être toujours du manque. Et donc, ça nous force à remonter à la source qu'est la saisie d'en soi, justement. La saisie d'un jeu existant intrinsèquement. Et comprendre qu'en fait, c'est la saisie de soi que je dois abandonner. Que le problème, en fait, c'est pas la condition extérieure ou intérieure qui se manifeste à moi. C'est pas le trouble borderline le problème. C'est la saisie d'en soi. Et donc, progressivement déconstruire cette idée que j'existe de façon intrinsèque et qu'il me faut tellement des conditions précises extérieures pour enfin me sentir bien. Et puis dans la troisième partie, ayant compris que c'est la saisie d'en soi qui est le problème, ça ne me donne envie que tout le monde puisse se libérer de la saisie d'en soi. Et donc j'identifie plus les gens à leur saisie d'en soi, mais à leur potentiel, à tout leur potentiel intérieur, leur potentiel de sagesse bienveillante. Et je vais grandir à partir des conditions qui me sont offertes. Je vais grandir à partir du trouble borderline. Et là, j'aime bien donner l'exemple, qui est métaphorique, mais de deux personnes qui, à partir du trouble borderline, on en fait un combustible pour réaliser leur potentiel bénéfique, juste pour montrer que le trouble borderline n'est pas en soi une condition limitante pour grandir, se développer et devenir bénéfique. Et donc, c'est-à-dire que cette sorte d'hypersensibilité, comme on pourrait l'appeler, peut être un atout. Peut-être un pour atout. Pour l'empathie, pour la compréhension de l'autre. Absolument, absolument. Et je vais citer deux exemples. Un exemple dans le domaine artistique, par exemple Angelina Jolie, qui, à partir de son trouble borderline, en a tiré une force extraordinaire pour devenir tellement compatissante, pour être une activiste sociale tellement engagée et lutter contre les inégalités. Et puis, un autre exemple, Marsha Linehan, j'ai cité tout à l'heure la thérapie de référence actuelle pour le trouble de personnalité borderline, thérapie comportementale dialectique. Cette dame, qui est un professeur en psychologie d'origine américaine, souffre elle-même de troubles borderline et a utilisé son cheminement intérieur pour venir révolutionner la prise en soin des personnes souffrant de troubles de personnalité borderline. Donc comment finalement, à partir des conditions, je vais en faire un combustible pour grandir et devenir bénéfique aux autres. Et finalement, à l'issue du programme, c'est pouvoir s'identifier à un jeu qui est résilient, empathique, créatif, qui sont finalement les caractéristiques des plus grandes performances. Alors tout à l'heure, Déborah Ducasse, vous avez dit que nous étions tous malades, oui. Mais on l'est à des degrés différents. Est-ce qu'on est capable de dire quelle est la proportion dans la population de personnes qui sont vraiment borderline? Oui, tout à fait. Donc, on est tous malades, je le redis, à des degrés différents. Donc, tout le monde aurait besoin de ce travail intérieur-là. Et puis, il y a des personnes pour qui la souffrance est tellement manifeste que ce travail-là s'impose. C'est une souffrance permanente? C'est une souffrance permanente. C'est vraiment très, très douloureux de vivre avec un trouble borderline. Alors, bien sûr, il y a des degrés divers de trouble borderline. Tout le monde ne présente pas la même expression du trouble borderline. En tout cas, pour répondre à votre question, il y a 2 à 6 % de la population générale qui présente un trouble borderline. Si on se place dans un service de consultation ambulatoire, il y a 10 % des personnes. Et dans un service d'hospitalisation, 20 %. Et une étude que nous avons faite dans le service a montré que si on se place dans un service de personnes en crise suicidaire, parmi les personnes qui ont fait une tentative de suicide dans les 2 dernières années, il y en a la moitié qui présentent un trouble de personnalité borderline. Et j'ai lu qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui ont ces troubles-là qui sont en prison parce qu'elles ont commis des actes sous l'impulsion de la colère. C'est absolument exact. Il faut savoir que la manière dont se manifeste le trouble borderline est différente entre les hommes et les femmes, notamment concernant la colère. la colère va être exprimée plutôt contre soi, c'est-à-dire que le mode de réaction à la colère va être des comportements dirigés contre soi. On retrouve beaucoup de troubles du comportement. Pour les femmes. Pour les femmes, pardon. On retrouve beaucoup de troubles du comportement alimentaire, notamment chez les femmes, des crises de boulimie. Chez les hommes, les comportements impulsifs en lien avec la colère vont être souvent hétéro-agressifs. Et donc, effectivement, on retrouve beaucoup d'hommes présentant... Violence contre les autres, etc. Violence contre les autres, absolument. Ce qui amène des personnes souffrant de troubles borderline à être en prison. Donc, vous êtes en train de dire que les hommes et les femmes qui ont cette maladie ne l'ont pas de la même façon. Mais est-ce que la maladie elle-même respecte la parité ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle touche autant les hommes que les femmes ? Ou est-ce qu'il y a des biais ? Alors... on retrouve en moyenne 75% de femmes, donc plus de femmes, mais il faut dire qu'il y a des biais, effectivement, c'est que les femmes consultent plus, et puis les femmes vont être beaucoup plus engagées dans les études, si bien qu'on va calculer des proportions à partir des personnes que l'on a dans les études. Et effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent participer aux études que des hommes. Et puis, comme je le disais, les hommes sont beaucoup plus souvent... en prison que les femmes de fait du comportement hétéro-agressif. Je veux juste préciser un élément, c'est que la manifestation extérieure du trouble borderline, particulièrement les comportements en lien avec la colère, vont différer effectivement entre hommes et femmes, mais la souffrance intérieure est la même. Est la même. Et la manière dont le vide existentiel est vécu, la manière dont on souffre vis-à-vis des modes relationnels va être identique. Alors avant qu'on parle de ce lien entre les thérapies que vous proposez et le bouddhisme, je voulais vous citer cette phrase de Barthes qu'on trouve dans la Chambre claire. Il dit ceci, « J'ai décidé de prendre pour guide non la conscience de mon moi, mais celle de mon émoi. » Est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont ce trouble borderline sont constamment dans une sorte de tourbillon d'émotions qui fait que c'est leurs émois qui pilotent leur vie psychique plutôt que leurs décisions, leurs analyses, leurs réflexions? Bah, c'est tout à fait juste, hein, puisque même, on entend souvent, hein, j'ai fait ça et c'était plus fort que moi. Donc ça veut bien dire que c'était pas moi, j'ai fait ça sous le contrôle de quelque chose qui me dépasse et qui n'est pas moi. Donc grâce à la méditation, on va pouvoir se désidentifier de tous ces phénomènes qui apparaissent à la conscience, toutes ces émotions qui peuvent être parfois intenses, vécues comme des tsunamis émotionnels et qui amènent à des comportements qui éloignent la personne de qui elle est et de ce qu'elle ferait si elle était réellement libre. Libre de toutes ces manifestations émotionnelles particulièrement intenses. J'ai lu dans un livre du professeur Bernard Granger et de Daria Karaklik, qui s'appelle Les Borderlines, justement, cette phrase. Tout se passe pour le borderline comme s'il était dépourvu de système immunitaire émotionnel ou du filtre qui le protégerait contre ce qu'il ressent comme des agressions externes, mais qui sont en réalité des agressions internes, puisque ce sont ses propres réactions émotionnelles violentes qui l'envahissent de façon brusque et rapide. Oui, et là, ce que vous êtes en train de me dire fait écho à une citation de Marsha Linehan, la dame dont j'ai parlé plus tôt, qui dit finalement le trouble borderline est l'équivalent d'une brûlure au troisième degré. Il n'y a plus, pour ainsi dire, de peau ou protection émotionnelle. Le moindre contact peut créer une douleur atroce, une souffrance atroce. Et en effet, mais que l'autre ne perçoit pas comme tel. Que l'autre ne perçoit pas comme tel. Et puis, c'est là où on comprend bien que ce n'est pas les situations extérieures qui, en soi, possèdent le caractère souffrant. C'est la manière dont on va se positionner, dont on va cadrer, dont on va interpréter ce qui est en train de se passer, qui va créer le vécu émotionnel. Et la manière dont on va intégrer, cadrer ce qui est en train de se passer va dépendre de nos attentes, de nos besoins, et ces attentes et besoins dépendent de la manière dont on s'identifie. Venons-en au bouddhisme. En quoi est-ce qu'il peut aider la psychiatre que vous êtes à traiter ce genre de troubles ? Ben, le bouddhisme est une science de l'esprit qui utilise une méthode d'investigation empirique qu'est la méditation. Et c'est pourquoi la psychiatrie est venue rencontrer le bouddhisme pour en faire des thérapies, les thérapies cognitives et comportementales de troisième vague, qui visent justement à aller investiguer notre esprit, investiguer comment les choses fonctionnent, investiguer comment les choses existent, donc dépasser toutes les apparences, toutes les préconceptions, tous les dogmes, pour voir réellement mais comment j'existe. Mais c'est bizarre parce qu'on dit souvent, je pense que c'est trompeur, mais on le dit quand même, que la méditation consiste à faire le vide. On voit pas très bien comment le fait de faire le vide peut guérir du sentiment de vide. C'est une super question parce que en réalité, on a beaucoup de croyances erronées au sujet de la méditation. D'ailleurs, on confond aussi beaucoup méditation et relaxation, méditation hypnose, méditation sophrologie, tout un tas d'autres choses. En fait, la méditation ne consiste pas du tout à faire le vide. Mais dans la méditation, on va utiliser certains vides, mais très précis. Je vais parler là, par exemple, de deux vides. Un vide que j'ai déjà mentionné, qui est finalement le fait d'aller explorer ce vide de forme, ce vide de caractéristiques physiques que constitue l'esprit. L'esprit, finalement, qui est un continuum, qui fait des expériences, d'où naissent toutes les expériences, toutes les apparences, et voir que ce continuum-là, lui-même, est dépourvu de caractéristiques physiques. Si l'esprit était du heavy metal, on ne pourrait pas percevoir tous les sons. Si l'esprit était de couleur verte, tout nous apparaîtrait en vert. Donc finalement, pouvoir contacter de plus en plus cette clarté de l'esprit, d'où naissent toutes les apparences, et du coup se désidentifier des apparences qui sont causes de souffrance, comme l'idée de jeu. Et un autre type de vide qu'on va utiliser dans la méditation, c'est le vide de distraction, le vide de le vide de toutes les croyances erronées que nous avons sur nous-mêmes et sur toutes les conditions qu'il nous faudrait réunir pour nous sentir bien. Et ce vide-là amène à une expérience de paix et de contentement très importante. Et on va s'identifier à cette expérience-là. Donc, à la place de s'identifier à un être continuellement en manque, séparé, on va s'identifier à cette paix, ce contentement. Et donc, notre manière d'entrer en lien avec le monde va être complètement différente. Vous voulez dire que l'expérience de la méditation permet, pour les personnes qui sont constamment débordées par leurs émotions, de faire l'expérience d'un certain calme. Voilà. Qui va laisser une marque dans leur façon de se penser elle-même. Voilà, exactement. C'est un premier niveau de méditation. Alors, il existe plusieurs types de méditation, mais ce type de méditation où, finalement, je vais me connecter avec cette expérience de paix et de contentement qui est finalement sous-jacente à toutes mes expériences, et me connectant à cela, de plus en plus me familiarisant avec cela, c'est très important, au fur et à mesure que je vais me connecter avec cela, je vais me familiariser avec ça, donc ça va devenir de plus en plus ma norme. Au lieu que ma norme soit « je suis quelqu'un de complètement insatisfait, qui a tellement besoin que les choses se passent d'une certaine manière pour me sentir bien, et je suis tellement dépendant à ce que les choses se passent d'une manière précise pour que je me sente bien », là, en fait, je suis déjà bien. Premier problème résolu. Et là, je vais pouvoir entrer en lien avec le monde d'une toute autre manière. Et du coup, les situations, les autres, vont être finalement comme un symbole de ma manière de me relier au monde à partir de qui je suis, de mon potentiel. Ce que vous dites là, Déborah Ducas, ça me fait penser à une phrase de Kafka, dont j'ai jamais compris vraiment le sens, mais qui peut-être correspond à ce que vous dites. Il dit ceci: dans le duel entre le monde et toi, assiste le monde. Est-ce que ça revient à ça? C'est accepter le monde, non pas comme un agresseur permanent, mais comme quelque chose qui existe, qui est là, et qui n'a pas d'intention à notre égard. Oui. Et quelque chose qui est là, qui n'a pas d'intention à notre égard, et comprendre que finalement, la manière dont on va percevoir ce monde-là est totalement dépendante de notre esprit. C'est-à-dire que le monde n'a pas la caractéristique en soi de nous apporter des sensations agréables, des sensations désagréables, des sensations neutres. Si on peut rigoler quelques instants sur cette, en faisant une analogie de la superposition quantique. Si je prends un millefeuille et que je le coupe en trois, on pourrait dire le millefeuille possède des caractéristiques en soi, et puis je le donne à trois personnes différentes. Une personne va vivre une expérience agréable, l'autre désagréable et l'autre neutre. Donc c'est-à-dire que le millefeuille est dans un état indéterminé avant qu'on en fasse l'expérience. Donc la réalité extérieure ne possède pas les caractéristiques en soi de nous être agréable, désagréable ou neutre. Ça dépend de notre état d'esprit. Cette personne-là n'est pas désagréable en soi, n'est pas agréable en soi. Ça dépend de la qualité de mon esprit. Alors Françoise Astur, que nous avions reçue à cette émission il y a quelques mois, nous parlait de la notion de vide dans la philosophie indienne. Elle parlait du terme sunyata, qu'on traduit par vacuité, mais qui ne renvoie pas à l'idée, disons, occidentale de vide. Et elle disait que ce mot sunyata exprime l'interdépendance de toutes choses, leur relativité absolue, si on peut dire, aucune d'elles ne possédant une nature propre permettant de la définir. Ça veut dire que le jeu, pour pour les bouddhistes n'existe pas ? En tout cas, il n'est pas aussi autonome que nous le pensons nous-mêmes ? Alors, ça veut dire que le « je » que l'on perçoit habituellement n'existe pas du tout. C'est-à-dire, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que la base de toute notre souffrance est une illusion. Mais la source qui nous fait souffrir est une illusion. Bon. Mais, donc ça ne veut pas dire que le « je » n'existe pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui est nié. Ce qui est nié, l'objet de négation, est un « je » existant en soi, de façon intrinsèque. Un « je » que l'on pourrait saisir et isoler de tout son contexte, de tout ce qui l'entoure. Un tel « je », quand on le recherche, est introuvable. Pourquoi ? Parce que le « je », comme tous les autres phénomènes, existe en relation d'interdépendance. Il est vide d'existence intrinsèque, il est plein de relations d'interdépendance. Et donc, pour donner quelques petits exemples de compréhension de cette relation de dépendance appliquée au jeu, c'est que bah, finalement, le jeu, pour en venir à apparaître, dépend de causes, dépend de moments précédents. Par exemple, je suis la fille de mes deux parents, j'ai été à telle école, j'ai reçu des enseignements de telle personne, j'ai rencontré telle autre personne. Donc il y a tout un tas de personnes, tout un tas de conditions qui ont contribué à ce que je apparaisse ici et maintenant. Et puis, un autre aspect, c'est que je dépend de ces parties. Je est imputé, je dépend du corps, du pouvoir conscient. Je est conçu à partir de ces parties. Et d'ailleurs, il suffit juste de percevoir une partie. Par exemple, je passe devant le miroir et je vois mon bras et je vais penser « je ». J'ai une émotion, je pense « je ». Et puis, un autre degré, c'est que, plus subtil, c'est que « je » est un simple nom, une simple imputation sur ces parties. Et c'est très important de comprendre comment on se nomme, comment on pense à soi. Si je pense à moi en fonction de je suis incapable, je n'y arriverai jamais, je suis limité par mes traumatismes, ou je suis plein de potentiel, ben, la manière dont je vais fonctionner va être complètement différente. Parce Mais que on la peut manière... osciller entre ces deux perceptions de soi-même. On peut osciller entre ces perceptions de soi-même, mais la plupart du temps, on oscille, non pas à partir de « j'ai compris que le jeu que je perçois habituellement est introuvable et donc inexistant, et de sa vacuité, eh bien, née un jeu beaucoup plus fonctionnel. En fait, notre manière de percevoir les choses habituellement, c'est j'existe de façon intrinsèque, je suis tellement vulnérable, je dépends tellement de ce qui se passe à l'extérieur, et quand du coup, on me fait une éloge, j'ai une réussite, oh, je me sens tellement bien, et quand on me fait une critique, j'ai un échec, je suis nul, je ne vaux rien. Et donc, on oscille entre ces deux extrêmes, mais à partir d'un jeu que l'on perçoit comme existant intrinsèquement. Mais est-ce que vous faites une différence, Déborah Lucas, entre le jeu et le moi ? Non, alors du coup, dans les thérapies dérivées du bouddhisme, nous employons indistinctement je, moi. D'ailleurs, souvent, nous disons moi-je. Le centre de notre sentiment d'identité. Alors, vous avez défini le jeu par référence à l'histoire, aux causes qui font que nous sommes ici et maintenant comme nous sommes. Mais est-ce qu'on peut fonder l'identité d'un sujet? Qu'est-ce qui maintient l'identité vivace au cours du temps? Qu'est-ce qui fait qu'on est soi en permanence, même si on a des oscillations dans la perception qu'on en a? Bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce sentiment de permanence, en fait. C'est-à-dire que quand on pense à nous-mêmes, on a cette impression d'être un être qui est rigide, solide et permanent. C'est lié au corps, sans doute, non ? Lié au corps. L'identité est incarnée dans le corps. Et vos cellules sont complètement renouvelées depuis que vous êtes enfant. Je sais, je suis un bateau de TV comme tout le monde. Donc du coup, on s'identifie au corps, mais le corps est en évolution perpétuelle. Et puis même l'esprit, instant après instant, on fait des expériences. Et puis ce qui apparaît à l'esprit change constamment. Et pourtant, on a un sentiment d'identité tellement rigide, tellement figé. Si bien que, à partir de ce sentiment d'identité permanent, et en plus en manque, on aurait tellement besoin que les choses extérieures soient permanentes. Et donc, on a tendance à figer l'extérieur, et quand les choses changent, oh, on est surpris, et on souffre tellement quand les conditions extérieures changent. Est-ce que ça veut dire que le bouddhisme qui vous inspire dans votre façon de traiter ces pathologies est utile non seulement par le fait qu'il propose une expérience qu'est la méditation, mais aussi par la philosophie elle-même ? Eh bien, oui, donc la démarche bouddhiste, la démarche de thérapie cognitive et comportementale dérivée du bouddhisme, amène non seulement à expérimenter par la méditation formelle la manière dont les choses fonctionnent et la manière dont les choses existent, mais également il y a des raisonnements. Hein, donc on pense des fois qu'il faut arrêter de penser. Non, on essaie justement de créer des raisonnements valides. Donc on va raisonner, avoir des raisonnements logiques pour en arriver à des conclusions. Et puis dans cette démarche-là, il y a une application concrète à la vie quotidienne. C'est-à-dire que je vais expérimenter, tiens, ce que j'ai identifié dans ma méditation formelle dans la vie quotidienne. Comment est-ce que les patients réagissent quand vous leur dites que vos techniques s'inspirent du bouddhisme? Est-ce qu'il y a un rejet, une adhésion? Est-ce que ça, c'est une information neutre? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on propose des thérapies dérivées du bouddhisme qui sont en fait des thérapies laïcisées. En fait, il n'est pas du tout demandé aux patients d'avoir une foi bouddhiste en faisant ces pratiques-là. Juste, le bouddhisme est utilisé comme une science vraiment de connaissance de l'esprit humain. Et c'est actuellement le traitement de référence dans la littérature scientifique. Donc, on ne demande pas aux patients d'avoir une religion particulière, pas du tout. Simplement, on utilise ces méthodes d'investigation qui ont été scientifiquement prouvées comme valides. Merci Déborah Ducasse, le temps a passé, il n'a pas été vide. Merci de nous avoir éclairé sur ce sentiment de vide que nous éprouvons tous à des degrés divers. Je ne peux pas m'empêcher, vous m'en excuserez, de livrer en conclusion l'anagramme de votre nom. Déborah Ducasse, ça donne caresse Bouddha. Je vous remercie d'être venu. Merci. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Julien Douminc et à la réalisation Delphine Lemaire.